depuis quelque temps nos pauvres dames. Dans mon quartier, une chanson. La musique en est monotone et les paroles sans façon. Ce n'est qu'une chanson des rues dont on ne connaît pas l'auteur. Depuis que je l'ai entendue, elle chante et danse en mon cœur. Bien semblé comprendre que la femme souffrait un jour. Si l'amant fumait chant pour elle, je veux en ignorer la fin. Et pour que ma chanson soit belle, je me contente du refrain. Quelle est donc belle ma chanson. Il en est de plus poétique, je le sais bien, oui, mais voilà. Pour moi c'est la plus magnifique, car ma chanson ne finit pas.